À cheval sur la trotteuse, le cul comme entre deux nuages, j'avais le temps. Pas de pensée douteuse pour m'éloigner de mon paysage occitan. Je trébuche parfois, mais revient toujours ce parfum d'un autre temps. Revient l'odeur des acacias. La rosée comme vin doux du matin, l'âme d'aujourd'hui, l'homme de demain. J'apprends à faire un peu comme les grands. Allez viens, je t'emmène au vent. Alors c'est déjà fait, je recommence. J'apprends à faire un peu comme les grands. Allons fêter ça en dansant. Rarement clair comme un livre ouvert, je déclare la fin de l'hiver. Il faudra bien se tenir droit. C'est pas que le geste ne compte pas s'il est dépourvu de foi, mais tes pensées sont milliardaires. Notre histoire s'écrit avec les deux bras, le vide se dessine en bas. On fonce la tête à la première, comme repris de justesse et fier de voler, de remuer l'air. Et puis l'odeur des acacias. We'll be right back.